dans mon centre commercial. Enfin je respire et me sens mieux. Je suis un homme occidental, entrant dans son terrain de jeu. J'achète, j'utilise, jette. Je suis un monsieur, je dois paraître. Il faut que je brille et me la pète. C'est ma passion, ma raison d'être. J'ai bien quelques remords parfois, pensant à ces petits Africains qui vont mettre de leurs dix doigts. Mais regardez-moi ces mocassins. C'est la semelle qui m'a tondu. Ils me réclament, je le sens bien. S'il le faut, je mets le prix. Et tant pis pour les crêpes la fin. Il me faut tout avant d'être mort. Surtout ce qui n'est qu'à tout. Consomme, consomme et consomme. Surtout ce qui n'est